au pied de la tour royale, construite sous Louis XII et défendant l'accès de la petite rade, s'étale la mer au bleu profond de Méditerranée.